Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer le chapitre 2 et ce merveilleux chapitre qui est le début de l'Église, le début de l'art chrétien. Et cette période, on va voir un petit peu ce matin, cette période va remplir l'espace entre le départ de Jésus et le retour de Jésus. Donc cette période de l'Église, ça comble une longue période dans l'histoire de l'humanité. Donc, on va regarder ça un petit peu ce matin. Donc, nous continuons à étudier le chapitre 2, mais avant de commencer, nous allons prendre un temps de prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous sommes dans la joie que tu nous as pas laissé sans enseignement, sans histoire, sans précepte. Notre foi n'est pas attachée à du vent, mais à de l'histoire, à des faits. Des faits qui se sont passés dans un peuple, chez les Juifs, avec des êtres humains bien vivants, comme nous. Et nous te demandons ce matin que nous puissions, avec l'aide de Pierre, qui est ton instrument ici, qu'on puisse comprendre. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans Acte 2? Au nom de Jésus, amen. Jésus est parti, il a dit à ses disciples, « Ne partez pas de Jérusalem avant que vous soyez remplis de l'Esprit Saint. Il va venir quelqu'un, va venir une puissance sur vous, et vous serez mes témoins partout dans le monde. » Juste là, ça nous préparait à voir que l'Évangile sortirait du peuple d'Israël, irait au-delà d'Israël. Parce qu'il dit, vous allez être mes témoins à Jérusalem, à Samarie, en Judée, et jusqu'aux extrémités du monde. Donc, ça nous dit que ça va déborder. Jésus, son ministère, s'est passé en Israël. Mais là, avec les apôtres et la venue du Saint-Esprit, ça va déborder dans le monde entier. Et là, les apôtres attendent, et on a vu hier que le Saint-Esprit vient en faisant tout un tapage, comme un grand vent, et toute la ville de Jérusalem est attirée vers ce lieu. Il y a eu des langues de feu, on a vu ensemble que les langues de feu étaient plutôt pour les croyants. Les croyants ont vu que tous les croyants avaient le même esprit. Et tous se sont mis à parler de diverses langues. On en a compté, je pense, 16 ou 17. Donc, il y avait au moins 16, 17 personnes, mais on croit peut-être qu'il y était plus que ça. Peut-être que les 120 ont reçu l'Esprit Saint et ont parlé en différentes langues. Et là, il y a eu tout un débat parmi les langues, hein, avec ce don-là, qui a fait tellement de divisions et de chicanes. Et déjà, j'ai déjà entendu dire, moi, les baptistes, vous êtes corrects, mais il vous manque quelque chose. Vous ne parlez pas en langue. Est-ce que ça nous manque vraiment? Est-ce que c'est ça que Dieu voulait? Nous allons ensemble regarder ça, si vous voulez bien. Lisons ensemble, premièrement, le texte où est-ce que Pierre va donner l'explication à partir du chapitre 2, verset 14. On va lire jusqu'au verset 21. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang et du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. » Donc, premièrement, Pierre dit, versets 14 et 15, il donne une explication, il dit, bon, vous dites qu'ils sont pleins de vin doux? Moi, je vous dis que non, ils sont pas pleins de vin doux. Parce que c'est juste la troisième heure du jour. Troisième heure du jour, selon ma compréhension, c'est 9 heures du matin. Donc, Israël était là, et c'était la fête de la Pentecôte, et je crois pas que les Juifs auraient dû comprendre qu'ils n'étaient pas en train de s'enivrer en ce jour solennel qui venait célébrer les Juifs de tout partout dans le monde. Il ne sait pas ça, l'explication. Et là, il va faire quelque chose, il faut bien comprendre. Il dit, mais ici s'accomplit la prophétie de Joël. Joël, chapitre 2. Et si vous voulez avoir une meilleure compréhension et faire des recherches par vous-même, lisez tout Joël, essayez de comprendre de quoi il est en train de parler dans Joël. Il dit, Joël a fait une prophétie qui concerne les derniers jours. C'est quoi ça, les derniers jours? Si vous faites une recherche dans le Nouveau Testament, les derniers jours comprennent de Jésus et son départ au retour de Jésus. Les derniers jours, c'est le temps de l'Église. Pendant ce temps des derniers jours, il dit, j'avais fait une prophétie que je répandrai mon esprit sur toute chair, donc au-delà des Juifs, sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant qu'ils parlaient en langue. Vous vous souvenez qu'ils ont dit, comment les entendons-nous parler en langue, dans nos langues maternelles? Comment c'est qu'ils parlent des merveilles de Dieu? Dans des langues autres que les langues des Juifs. L'araméen à ce moment-là. Dieu, à travers Joël, avait dit ceci. Israël, à cause que tu m'as abandonné, je vais te rejeter. C'est un jugement, c'est le signe que Dieu se détournait maintenant d'Israël pendant ces derniers jours. Et il va se faire un peuple parmi toutes les nations, parmi toute chair, jusqu'aux extrémités du monde. Il va se former un peuple sur lequel il va répandre son esprit. Et ces hommes et ces femmes qui vont recevoir le Saint-Esprit vont prophétiser de la part de Dieu. Ils vont annoncer les merveilles de Dieu. Ils vont annoncer l'Évangile. Ils vont annoncer la personne de Jésus-Christ. Ils vont faire toutes sortes de signes. Ils vont avoir des songes, des visions. Donc, cette ère de la venue du Saint-Esprit, ça va être un ère où est-ce qu'on va prophétiser les merveilles de Dieu. Et je dirais, les merveilles de Dieu pour nous, aujourd'hui, c'est l'Évangile, c'est la personne de Jésus-Christ, c'est l'Église. Donc, Pierre, il dit, ce n'est pas parce qu'ils sont chauds, c'est une prophétie qui s'accomplit ici. Et si vous voulez comprendre un peu plus, dans 1 Corinthiens 14, Paul dit que la langue, c'est un signe de jugement contre Israël. Vu qu'ils se sont détournés de Dieu, vu qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu avait demandé, Dieu maintenant se tourne vers les nations et va se choisir un peuple parmi les nations qui vont prophétiser son message, qui vont annoncer son salut, qui vont annoncer la personne de son Fils, sa mort et sa résurrection et la bonne nouvelle du pardon des péchés. C'est pas plus compliqué que ça. Et il dit au verset 19, « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, à l'arrivée du jour du Seigneur. » Donc, ça va couvrir une longue période de temps. Il dit vers la fin, comme il dit, je fais apparaître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles avant l'arrivée du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le retour du Seigneur. C'est le jour où Dieu venait juger le monde. De ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Il me semble qu'il y a une suite logique qui n'est pas trop difficile à comprendre. Jésus dit, ne partez pas, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ils reçoivent la puissance. Et ils parlent en langue des merveilles de Dieu. Et Pierre dit, ça c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Et mes fils et mes filles, qui vont être pris parmi toute chair, vont prophétiser. Et quiconque, en entendant le message, invoque le nom du Seigneur, sera sauvé. Et nous allons voir tout de suite après, l'apôtre Pierre va prêcher l'Évangile, et 3000 vont être sauvés. Mais le parlant en langue, il faut bien comprendre, ce n'est pas une démonstration de sainteté. Dieu, dans ce jour de la Pentecôte, prend les hommes et les femmes qui sont là, et leur dit maintenant, Israël devait annoncer l'Évangile aux païens, mais ils ne l'ont pas fait. Ils devaient annoncer les merveilles de Dieu aux païens, mais ils ne l'ont pas fait. Jonas est un exemple de cela. Ils ne voulaient pas le faire. Donc Dieu dit, maintenant, ce que j'avais annoncé par Joël, je l'accomplis. Je vais me choisir des gens de toutes les nations du monde. Et la preuve, c'est que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit à ce moment-là parlent des langues différentes, de toutes sortes de peuples, à la grandeur de l'Empire romain. C'est la nouvelle ère qui commence. C'est le temps du Messie qui est arrivé. Le Messie a accompli son œuvre. Et le nouveau monde, les derniers jours sont commencés. On va voir que, à quelques reprises, le parler en langue va revenir dans les Actes des Apôtres. Je pense que c'est 4 fois qu'il revient. 3 autres fois. 4 fois avec celle-là ici. Il y a 4 fois dans les Actes des Apôtres qu'on va parler en langue. On va voir ça à un moment donné. Pourquoi le parler en langue s'est répété 4 fois dans les Actes des Apôtres? Mais ici, l'explication que Pierre donne, c'est le jugement de Dieu est arrivé sur Israël. Et Dieu se choisit des hommes et des femmes de tous les peuples. Vous êtes l'exemple de cela, je suis l'exemple de cela. Dieu m'a choisi, moi François, un petit Québécois, un Canadien. Et je prophétise, j'annonce les merveilles de Dieu, comme vous le faites aussi, afin que des gens invoquent le nom du Seigneur Jésus et soient sauvés. Et quand ils sont sauvés, à leur tour, ils vont annoncer les merveilles de Dieu. Et à leur tour, des gens vont se convertir en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Et ça va aller de même pendant les derniers jours, jusqu'à la fin. Et tous ceux qui reçoivent, qui invoquent le nom du Seigneur Jésus, et on va voir ça demain, tous ceux qui reçoivent, qui invoquent le nom et qui reçoivent Jésus dans leur vie, vont recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va se répandre tout le temps pendant les derniers jours. Tous ceux qui vont invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ vont être sauvés. Ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit et ils vont prophétiser. Vont-ils tous parler en langue? On va voir que non. On va voir que donc ça c'est l'explication de Pierre. J'espère que c'est assez simple pour vous. Prophétie accomplie en acte 2. La prophétie concerne qui? Israël. Je me détourne d'Israël, je me tourne vers les nations, maintenant eux vont annoncer l'Évangile, vont annoncer les merveilles de Dieu. Vous vous souvenez, quand Jésus était sur la terre, le fils qui envoie dans la vigne, il dit, j'envoie mon fils, et ils font mourir mon fils. Il dit, le maître va venir, il va l'enlever la vigne, puis il va donner la vigne à d'autres qui vont en rendre le fruit. Les autres, dans ce passage-là, c'est nous, c'est les nations. Les Juifs aussi font partie de ça. C'est pas comme maintenant, aucun Juif. Exemple, Paul va se convertir. Il y a beaucoup de Juifs qui vont se convertir. Ils vont juste faire partie des nations. Ils sont plus spéciales dans les derniers jours. Ils sont plus spéciales. Ils sont joints aux autres nations du monde. Et c'est pour ça qu'on lit dans l'Apocalypse qu'il y a des grandes foules de toutes les nations du monde qui font partie maintenant du peuple de Dieu. Donc, les gens ici qui ont reçu le don du parler en langue n'avaient pas demandé, ne se sont pas fait imposer les mains, n'ont pas cherché à l'avoir, n'ont pas prié pour l'avoir. Ils l'ont reçu parce qu'il y avait une prophétie à s'accomplir. Cette prophétie-là, elle est accomplie. Pas besoin de l'accomplir encore. Maintenant, les Juifs savent que Dieu s'est détourné d'eux et que maintenant, il a pris un peuple parmi toutes les nations du monde. C'est fait. On n'a pas besoin maintenant de parler en langue. J'ai vu des gens, moi, qui m'ont dit, je parle en langue dans ma cave. Je dis, ça n'a aucun sens. Ils n'ont pas parlé en langue dans la cave, eux autres. Ils ont parlé en langue devant des Juifs. Et Dieu accomplissait ainsi la prophétie. Nous allons prendre un temps de prière. Maintenant, Seigneur, nous te bénissons parce que tu t'es tourné vers les nations. Comme tu as dit par la bouche de ton fils, j'ai des brebis qui ne sont pas d'ici, sont dans une autre bergerie. Il faut que j'aille les chercher aussi. Et c'est le début ce matin. Tu te détournes du peuple d'Israël pour te tourner maintenant vers tous les peuples de la terre. Et tu mets ton esprit sur eux afin qu'ils prophétisent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, afin qu'ils annoncent la mort et la résurrection de Jésus, comme Pierre va faire demain. Merci Seigneur que tu nous as choisis. Merci que tu nous as appris chacun de nous. Merci que tu nous as donné ton Esprit Saint, qu'il est sur nous et que nous en avons besoin maintenant pour annoncer cette bonne nouvelle partout dans le monde. Seigneur, nous désirons que les gens invoquent ton nom parce que nous voulons que tu sois glorifié. C'est notre but premier. Que ta gloire puisse éclater. Conduis-nous dans les jours qui viennent parce que nous voulons bien comprendre c'est quoi cette Église-là et à quoi est-ce qu'elle sert pour la gloire de ton nom. Amen.